venu faire le con de mes scripts. Quand on les sourires calme et que tu finis avec une zapette en guise de cordon ombilical. On se croit relié au monde courbé sur son nombril. On prie les faiseurs de rêve de montrer enfin leur vie. Je porte mes doutes en bandoulière, musculation cérébrale, et soulève le poids de ces haltères. Mondialiste par défaut, la planète est mon piège. Sous le scalpel de la chirurgie extatique, je rêve de changer de visage. Virage à 180 sur la diagonale du flou. Tous humains, pourrait danser le pouce, on pousse mon blues urbain. Phono sapiens sans quête audioactiviste. Se précipiter d'existence intensifie nos atavismes. On tourne en rond en se voyant révolutionnaire. Et attends la chute de mes théories, elle sera amortie par mes nightcares. Ersatz de vivant dans ton living room, extasié devant le vide, laissé par celui vide. J'ai aussi de le temps d'usure, c'est la base du commerce équitable. Mais je ne reste qu'un grain de sable dans un système instable. Fais la somme de mes paradoxes et déchiffre mes lettres. Mes ancêtres ont plié le monde au format A447. Déchiffre mes lettres et fais la somme des paradoxes. Déchiffre mes lettres et fais la somme de nos paradoxes. Well, I get up in the morning and fix breakfast to my husband. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale. I'm cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. I'm looking forward to it already. I'm gonna be just like you. U.S. Consumer Product Safety Commission estimates that 13,000 people were treated in hospital emergency rooms for injuries involving television sets last year. That's right, and that's why we have this check for you for $7,000! Tu croyais le monde fait de paillettes et strass partout. C'est un appart où le sous-commandant Marcos invite le baron Seyer en partout. Prends des rancologues, MSN et Fred Fucking. Tu crois choisir ta vie, mais tu cheats dessus comme Spud en train spotting. Cortège de rêves déchus, mascara des silhouettes. Quand le rideau est tombé, penche dessus du vide sans vouloir y sombrer. Songe au peuple accroché au wagon de nos trains de vie occidentaux. Anticipe la sortie de route si le terrain est accidenté. L'amour est mort et tous se demandent qui l'a visé. Ah, et la révélation ne sera pas télévisée. La somme de mes paradoxes, juste un calcul en suspens. Et combien l'heure des cons, seul le résultat surprend. C'est la somme de mes paradoxes, un calcul en suspens. Et combien l'heure des cons, mec, seul le résultat surprend. La somme de mes paradoxes, comme un calcul en suspens. Et combien l'heure des cons, seul le résultat surprend. La somme de mes paradoxes. Cherche encore la quadrature du siècle. La somme de mes paradoxes. À Tchernobyl, comme à Gramma, Antenne Doc, 104.1. Antenne Doc, radio, pas de frontières. Bonsoir à tous pour cette deuxième édition de l'émission Electron Libre sur Antenne Doc. Et donc, je vais vous rappeler l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous envoyer vos infos, vos remarques, vos impressions sur l'émission. Le site n'était pas... l'adresse email n'était pas créée pour la première émission, mais on va vous la donner maintenant. Donc c'est electron.libre, tout ça au pluriel, electron au pluriel, libre au pluriel. Donc electron.libre@orange.fr. Voilà, donc pour toutes vos impressions, vous pouvez nous les envoyer, même pendant l'émission, éventuellement on peut aussi vous répondre. Et donc voilà. Et on va aussi vous donner l'adresse d'un site plutôt sympa sur lequel vous pouvez télécharger du son. Tout ça gratuitement évidemment. Donc le site c'est Psylon-Board. Donc Psylon-Board.com évidemment. Et après tout ça, donc comme prévu, on vous annonce aussi quelques petites soirées qui ont lieu ces jours-ci. Et donc en fait c'est dès demain, samedi soir là. Donc une soirée à Montpellier et une soirée à Barcelone. Alors évidemment c'est un peu loin hein, effectivement, mais enfin partez pas de suite quand même, restez pour l'émission, vous pouvez toujours partir après, hein, minuit c'est bien, rouler la nuit, tout ça c'est tranquille, c'est agréable. Alors voilà, la première soirée à Montpellier, c'est dans un lieu qui s'appelle le Bouche à Oreille. C'est une soirée tribe, hardcore, breakcore, avec Wakata, Ellie Meuf du label Headfuck, et aussi Arnor Criminal. Voilà pour la sortie de son premier vinyle. Donc voilà, cette soirée a lieu demain soir, samedi, et commence bien avant minuit, vers 23h je crois. Prévente possible à 7€, sinon avant minuit c'est 5€ sur place, après minuit c'est 10€. Je vais vous donner l'info line, c'est 36 72 étoile 1, et donc ensuite c'est 83 78 37. 83, 78, 37 et dièse évidemment. Et donc pour l'autre soirée qui a lieu, elle, en Espagne, c'est une soirée Storming Rage Dingue, soirée tribe, breakcore, hardcore et aussi électro minimal, avec Colin Dale, Jeff 23 du label SP23, bon, le bien connu DJ Radium. Il y a aussi des VJ, L'œil Marron et le VJ Be Good. Et donc toujours dans le son aussi, pour les très connus, on va dire Desert Storm et aussi Empathisme du label Épileptique. Voilà, voilà. Et donc nous, on va quand même commencer cette soirée, comme toujours, avec du son. Et d'entrée, ce sera donc Tonton Free aux machines, qui va commencer très bientôt. l'armée nationale. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez que le mouvement de Macron est interdit. Alors vous allez me faire le plaisir de couper tout ça. Sinon, on vous saisit le matériel. Thank you. ça, mais ça s'annonce. I'm gonna go get some more. Ouais, c'était Tonton Free sur Fruity Loops. Et donc je vous annonce encore deux petites soirées qui auront lieu très bientôt. Donc c'est pas dès ce week-end, mais c'est très bientôt. Alors d'abord une soirée qui aura lieu au Cri de la Mouette, donc la péniche à Toulouse, qui aura lieu donc le 23 décembre. Alors c'est une soirée plus tranquille que les premières qu'on a annoncées, une soirée house, électro, techno, avec DJ Arrow, Simon et Cédric aka Starlab. Voilà, donc pour les renseignements complémentaires, il faut voir avec le Cri de la Mouette. Et donc ensuite une autre soirée qui elle aura lieu à Bordeaux, dans un lieu, le 400 à Bordeaux, une soirée art tech hardcore. Ça c'est le 29 décembre. Alors c'est un soir où nous on fait aussi l'émission. C'est une soirée à partir de 23h jusqu'à 4h du matin. C'est 5€ l'entrée avec quelques noms assez connus. Escro d'Arachnid. Et ensuite aussi Carbone 14. Donc ça c'est le 29 décembre à Bordeaux, donc au 400. Vous pouvez aller sur le site donc du 400, c'est www.le44100.com. Voilà. Et ensuite une dernière soirée qui elle a lieu dès demain soir. Alors ça par contre c'est dans la montagne noire, c'est une free, une vraie free. Demain soir, donc c'est les réformés et les schizophrènes qui posent dans la montagne noire. Donc une teuf qui démarre, certainement autour de 11h minuit. Donc je vous donne l'info, c'est 444-555. C'est dans la montagne noire et a priori vu qu'il y a deux collectifs, il y aura beaucoup de sons et un bon gros mur. voilà. Donc ça devrait être bien sympathique samedi soir. Peut-être dimanche aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce sera samedi. Voilà. Ça provoque beaucoup d'enthousiasme cette petite soirée. Voilà, et puis là tout de suite, ça va être donc un petit battle machine. Un petit battle machine, donc Cibo versus Pierrot. C'est pour tout de suite, c'est les machines, ça va démarrer sous peu. Et donc c'est parti. Allez les gars! Hardcore. We'll be right back. cellule, cher débutant. Débutant? Non. Mais c'est pour ça qu'ils le savent, tu les jettes. Mais c'est vraiment responsable. Cellule, cher débutant. We'll be right back. Dans la zone délinquante violente, activez l'énergie de la sécurité. I'm

trouvez moi dans ses bras. Oh non, pourquoi? Parce que les chatons s'attrapent avec des yeux qui te surveillent, et puis des armures qui ont l'air de statues. Mais dedans, il y a quelqu'un que tu retrouves collé à tes talons, il est derrière toi chaque fois que tu te retournes. Ouais, c'était CBO en battle avec Pierrot. Voilà, donc tous les deux sur leur machine. Alors on va vous annoncer une dernière petite soirée pour ceux qui sauraient pas quoi faire de leur premier de l'an éventuellement. Il y a un gros Technival à Barcelone. Ouais. Et oui, c'était gros, hein, donc on vous l'avait dit. Hein. Voilà. Donc Technival, hein, tout genre de musique, mais enfin bon, trans, goa, hardtech, hardcore, mais bon, beaucoup de hardcore quand même. Hein. Voilà. Hein. Le monsieur hardcore est avec nous, vous l'aurez compris. Et donc, bon, quelques noms, allez, quelques noms. Alors, Napalm Unity, Traxert Konyans, bon, les Metech, hein, oui, quand même, hein, les Metech, les Dépravés, les TNT qui vont nous faire un petit battle avec les Carnages. Aïe, aïe, aïe, ça risque de gratouiller un peu à l'oreille. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, c'est ça, oui. Bon, il y a aussi des pastilles, hein, des pastilles pour la gorge, hein, pour ceux qui ont la gorge irritée, hein, ce vendredi soir. Voilà. Donc ensuite, Riotech, Damon, Circus Alien, Micro FR, et puis encore beaucoup d'autres, notamment des gens qui posent du côté de Barcelone de façon régulière. Les Zulu System, Akatech, Trackmatrack, Assystem, les Psychomaniacs, bon voilà, il y en a encore beaucoup d'autres. Donc si vous voulez plus d'infos sur cette soirée du 31, donc... il faut aller voir du côté de Freak Techno, donc Freak comme Free avec un K à la fin, Techno, T-E-K-N-O, tiré from, tiré zéro, @directbox.com. Voilà. Donc tout ça, c'est la soirée du 31. Et puis, eh ben, nous, on va finir cette soirée avec un dernier petit live. Un live de Monsieur P. Si Monsieur P veut bien se préparer derrière ses machines, Monsieur P. Il est prêt, Monsieur P. Ah, Monsieur P est prêt. Voilà. Donc, Monsieur P. Peut-être un dernier live, peut-être un live surprise ensuite, hein, mais ça, on verra si on a le temps. Voilà. C'est parti! We'll be right back. Thank you. Merci, merci. Merci à Monsieur P pour ce live. C'était bon. C'était bien bon. On a frémi de partout. C'était excellentissime. Merci à lui, Monsieur P. Voilà, voilà. L'émission, elle est finie pour aujourd'hui. On remercie tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont posé. En particulier Cibéo et Pierrot qui étaient invités ce soir et qui ont posé pour nous. Voilà, on vous rappelle une dernière fois le mail de l'émission pour nous contacter, nous donner toutes vos impressions sur l'émission. Et puis aussi pour nous contacter si ça vous intéresse de venir faire du son, évidemment, parce que bon, c'est quand même l'objet premier de l'émission. Donc voilà, le site, enfin le mail, c'est electron.libre, donc tout ça au pluriel, hein, electron.libre@orange.fr. Voilà, voilà, voilà. Et donc on vous dit à très bientôt, dans 15 jours normalement, le 29, il n'y a pas de souci. On se retrouve donc le 29, à bientôt et bonne nuit. Big Ten sur vos ondes. Big Ten sur vos ondes. Big Ten sur vos ondes. Big Ten sur vos ondes. Big Ten sur vos ondes. Big Ten sur vos ondes. Sur deux, de 21h à minuit. Sur Antenne Doc.